73e leçon. Oh, les beaux jours. C'était comment la France avant la guerre, grand-père? Oh, tu sais, c'était bien différent de maintenant. Nous n'étions pas aussi riches et nous n'avions pas autant de belles choses. Mais je pense que nous vivions mieux qu'aujourd'hui. Mon père avait un grand jardin et il cultivait tous nos légumes. Et moi et mes copains travaillions pour un fermier qui nous donnait des œufs frais et du lait qui était encore tiède. On ne mangeait pas beaucoup de viande à cette époque. Mais il y avait autre chose. Les gens étaient plus aimables. Ils se connaissaient tous et ils se parlaient. Puis, il y a eu la guerre et les hommes sont partis. Et les enfants étaient mieux élevés que de nos jours. Ils ne s'endormaient pas pendant que leur grand-père leur parlait. Exercice. Nous étions plus heureux, mais nous n'avions pas grand-chose. Nous vivions mieux qu'aujourd'hui. Je crois qu'ils se connaissent bien. Mes copains et moi pouvons vous donner un coup de main. Cet enfant est très bien élevé. La bière en Angleterre est tiède.